Je m'entraîne de cahier page 57. Numéro 1. Je fais du sport et je mange des aliments équilibrés. Numéro 2. Je vais à l'école à vélo. Numéro 3. J'éteins la lampe quand je sors de la chambre. Numéro 4. Je prends un panier quand je vais au marché.